ceux qui auraient tellement à dire, ceux qui ne vivent qu'à genoux, ceux qui donneraient tout pour s'enfuir. Y'a ceux qui se cherchent partout, ceux qui ont perdu le sourire. Y'a ceux qui se tiennent debout et ceux qui n'ont fait que mentir. Et y'a toi, y'a moi, y'a nous deux dans ce monde-là. Nous deux comme des gens qui passent, comme ces milliers de vagues à la surface. Et y'a toi, y'a moi, y'a nous deux dans ce monde-là. Nous deux au milieu de la foule, enlacés comme un serpent qui s'enroule. Y'a ceux qui abandonnent tout et ceux qui rêvent de voyage, ceux qui ont des idées sur tout, ceux qui entendent les messages. Y'a ceux qui sont à moitié fous, qui ne voient même plus les virages. Y'a ceux qui n'ont plus rien du tout et ceux qui veulent davantage. Et y'a toi, y'a moi, y'a nous deux dans ce monde-là. Nous deux comme des gens qui passent, comme ces milliers de vagues à la surface. Et y'a toi, y'a moi, y'a nous deux dans ce monde-là. À l'instant sur France Bleu Loire-Océan, et c'était Patrick Bruel. Nous sommes en Loire-Atlantique avec Quentin Aîné. Et aujourd'hui, côté océan, nous portons en bord de mer pour mixer quelque chose, mais pas des algues, Quentin. Mais non, de la musique et pas sur n'importe quel support, les vinyles. Gilda Cornier, journaliste reporter, et avec quatre autres amis passionnés comme lui de vinyle, entre deux DJ sets, ils ont décidé de partager leur passion et discothèque ce samedi à Préfaille avec initiation au technique du scratch et du mixage, en plus d'une bourse au vinyle pour les amateurs. Je voulais tout de même savoir une chose, Gilda, c'est vous qui donnez les cours de mixage ? Tout à fait. Ah. Tout le monde est le bienvenu pour apprendre à les techniques de base du scratch et du calage de disques nécessaires à faire un DJ set, comme on dit, quoi. Alors, on parle de nuit. Pourquoi le terme de nuit ? Ça va vraiment durer toute la nuit, samedi ? Disons, ça va nous emmener jusqu'au bout de la nuit. On va avoir différents styles de musique. On va partir de musique peut-être un petit peu plus accessible sur la musique africaine, la musique reggae, jamaïcaine. Après, on va partir sur des types un peu plus dynamiques, sur de la new disco, sur de la house music et sur de la techno aussi. On est sur le vinyle, c'est toujours la quête du vinyle. Il y a un petit côté chercheur d'or, orpailleur. On va chez les disquaires, on va essayer de trouver la pépite. Donc ce qu'on va essayer de vous faire partager, c'est des disques rares qui nous sont chers, qu'on aime jouer, qui sont très dansants. Donc ça peut aller de la rumba congolaise jusqu'à la techno berlinoise. Donc voilà, faudra être ouvert d'esprit et enclin à la danse. Ce samedi 12 août, ce sera à partir de quelle heure que vous nous donnez rendez-vous ? Alors les stages d'initiation commencent fin d'après-midi, retour de plage, 17h-18h. Et puis la soirée va commencer vers 19-20h, jusqu'à ce qu'on nous coupe le son. Allez, plus qu'une chose à faire, tous à Préfaille pour la nuit du vinyle. Et c'est accessible à tous, jusqu'au bout de la nuit. Merci Quentin, et à demain pour d'autres idées à sortir sur le littoral. Voici Adèle sur France Bleu Loire-Océan. Et juste après, ça sera l'heure de retrouver les infos, et puis on aura aussi la possibilité entre 18h et 19h de découvrir aussi des idées de sortie pour ce soir. When I am drowning in this island.

sont les douze des frères selon les déclarations. Enfin, je pense qu'on ne jamais les oublier, ces trois mots sont terminés. Ouais, c'est ça la France. Marc Lavoine, France Bleu Loire-Océan, c'est la grande tournée d'été. On retrouve d'ailleurs les grands moments tout à l'heure. Cathy Carzero était en direct de la criée du Croisic ce matin, entre 9h et midi, sur l'ancienne criée du Croisic, sur les quais du Croisic très précisément. On retrouvera quelques bons moments à suivre sur France Bleu Loire-Océan. Dans l'atelier de nos talents, France Bleu met à l'honneur l'excellence française des artisans d'art. Bonjour, Loïc Ballet. Ce jeudi, coup de projecteur sur l'atelier de nos talents. Si vous aussi vous êtes à des années-lumière de savoir qui entretient, qui crée et répare les lustres que l'on voit dans les châteaux, les musées, comme dans les rues, nos invités vous éclaireront sur ce savoir-faire. Alors, que la lumière soit. L'atelier de nos talents sur France Bleu, demain, dès 13h. France Bleu craque pour Sélassou. When It All Falls Down, en ce moment dans votre playlist 100% France Bleu. France Bleu, partenaire de Fort Boyard sur France 2. Aventure, solidarité, dépassement de soi. Tout l'été, retrouvez les épreuves cultes qui vont mettre au défi les aventuriers de la semaine. Retrouvez Elsa Fayer, Jordan Mouirak, Brahim Asloum, Théoura Théoui, Fred Musa, Yasmine Ouglis. Fort Boyard, nouvelle saison, présentée par Olivier Mine, samedi à 21h10 sur France 2, avec France Bleu. France Bleu. Dans le monde, des enfants meurent de faim. Hélène a été sauvée grâce aux équipes d'Action contre la faim, dans une région où sa maman n'a pas accès à l'eau potable et où il n'y a rien à manger. Pour les aider, mon papy a décidé de leur donner une partie de son héritage. Je suis fière de mon papy. Est-ce que vous le saviez? Action contre la faim peut devenir votre héritier. Pour un monde sans faim, pensez à la transmission en faveur de notre association. Vos volontés seront respectées. Demandez la brochure sur les legs et assurances vie sur actioncontrelafaim.org. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Loire-Océan. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 août, il est 18h. Et côté météo, eh bien Marion Fersing, on risque d'avoir des orages en fin de nuit en Loire-Atlantique et en Vendée. Oui, après une belle soirée et avant aussi une belle journée demain prévue par Météo France. Le ciel sera quand même un petit peu moins dégagé, davantage de nuages donc qu'aujourd'hui. Pour les températures, en revanche, on reste sur la même tendance hein, avec déjà 19-20 degrés en début de journée. Et pour les maximales demain après-midi, de 28 à 33 dans nos deux départements. Et côté trafic, hein, ça roule hein, sur l'agglomération nantaise. Pas de soucis particuliers à vous signaler. Un habitant d'Anceny, un jeune homme de 24 ans, a été arrêté pour avoir agressé une promeneuse de 66 ans. Les examens médicaux confirment qu'il l'a violée. Ça s'est passé il y a 10 jours, Leïla Méchaori. Oui, Marion, ce jour-là, cette femme de 66 ans part marcher sur les bords de Loire, comme elle en a l'habitude. Au moment où elle emprunte un chemin au niveau de l'écluse, quelqu'un arrive derrière elle et lui plaque la main sur la bouche. La randonneuse tente de se défendre avec ses bâtons, mais l'homme arrive à la faire tomber dans un fossé. La victime continue de se défendre en lui donnant plusieurs coups sur la tête avec un morceau de bois, mais l'agresseur arrive tout de même à la déshabiller en partie et à glisser sa main dans ses sous-vêtements pour la violer. Elle crie, ce qui le fait fuir et qui alerte un groupe de randonneurs qui arrive à ce moment-là. Un promeneur la découvre alors dans le fossé, en état de choc, et la conduit à la gendarmerie. Il commence alors l'enquête minutieuse qui a permis d'interpeller son agresseur en début de semaine, grâce notamment à l'équipe cynophile de la gendarmerie et au aux images de la vidéosurveillance, ce qu'on vous détaille sur francebleu.fr à la page Loire-Océan. Le jeune homme qui a été arrêté nie le viol, il explique avoir agressé la randonneuse pour la voler. Il a été placé en détention provisoire. Le visage du jeune Vianney a été brandi devant le tribunal de Nantes cet après-midi avec une immense émotion. Vianney, c'est cet adolescent renversé et tué par le conducteur d'une voiture début juin à Saint-Philbert-de-Grandlieu. Lui était à scooter, il avait 14 ans. L'automobiliste, un jeune homme de 25 ans, est jugé donc cet après-midi. Il avait bu, il avait 2 grammes d'alcool dans le sang, il a franchi une ligne blanche et il a pris la fuite après l'accident. Le procureur de la République vient de demander 2 ans de prison, dont un an ferme, l'annulation de son permis de conduire et l'interdiction de le repasser pendant 3 ans. Une immense émotion aussi en Alsace après un incendie tôt ce matin dans un village près de Colmar. Ouais, ce gîte où étaient hébergés de jeunes adultes handicapés mentaux et leurs accompagnateurs. 11 sont morts, 17 ont pu échapper à ce feu qui est devenu d'un coup très violent, Margot Steve. Oui, un feu qui a vraisemblablement pris au premier étage du bâtiment et qui a couvé plusieurs heures avant d'embraser la structure de ce gîte traditionnel, principalement composé de bois. Les pompiers sont arrivés vers 6h45, 14 minutes après avoir été alertés. À ce moment-là, 17 personnes ont déjà pu s'échapper, principalement celles qui dormaient au rez-de-chaussée. 11 autres, en revanche, ont été piégées par les flammes à l'étage. Toutes sont décédées. La priorité, c'est désormais d'identifier formellement ces victimes. Les corps vont être scannés dans la soirée, des analyses ADN réalisées. L'enquête doit maintenant déterminer l'origine de l'incendie, savoir également si le bâtiment était suffisamment sécurisé, si les lieux, par exemple, pouvaient accueillir autant de personnes, si des issues de secours étaient accessibles ou si une alarme incendie était installé. L'enquête est pour l'instant ouverte en recherche des causes de la mort. Si des erreurs ont été commises, des poursuites pour homicide involontaire pourront être envisagées. Le gîte était en effet prévu pour une quinzaine de personnes et ils étaient donc près d'une trentaine à l'intérieur au moment de l'incendie. À Saint-Nazaire, la police rappelle l'importance de bien fermer sa porte à clé, même quand on est chez soi. Pour preuve, ce vol dans une maison dans la nuit de dimanche à lundi. Des bijoux, du matériel multimédia et un téléphone portable, un téléphone que son propriétaire a réussi à géolocalisé quelques heures plus tard, ce qui a permis à la police d'arrêter le voleur. Il était en train d'essayer de tout revendre dans un magasin spécialisé de Trignac. L'absence de médecins remplaçants oblige toujours les services d'urgence à fermer leurs portes en Vendée. Ce sera le cas tout ce week-end pour celle de l'hôpital de Montaigu, c'est-à-dire de vendredi soir 20h jusqu'à lundi matin 8h30. Pendant cette période, si vous êtes dans le secteur, il faut appeler le 15 pour une urgence vitale et le médecin de garde au 116-117 pour les autres situations. Voilà qui promet une belle ambiance au stade de la Beaugeoire pour la reprise de la Ligue 1 dimanche. Ouais, il y aura plus de 25 000 spectateurs dans les tribunes pour le premier match de la saison entre le FC Nantes et Toulouse. Et malgré la fin catastrophique de la précédente avec la relégation en Ligue 2 évitée de justesse, eh bien le club compte déjà plus de 14 000 abonnés. Les associations de supporters font le plein, elles aussi, comme les actifs, plus d'un millier d'adhérents. Et voilà l'explication de son président, Thierry Tissot. C'est assez incroyable parce que je pense que même le FC Nantes pensait à prendre une claque après la Coupe d'Europe, etc., avec une redescente en intensité et puis après avoir frôlé la Ligue 2 et puis on a un mercato qui n'est pas exceptionnel donc voilà. Après, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'avant il y avait beaucoup d'hommes qui venaient seuls chez nous, là ça vient beaucoup plus en famille. Là où on avait un adhérent avant, cette année les deux enfants et la compagne viennent avec, donc c'est aussi ça qui change beaucoup la donne. Et je pense que les gens ont apprécié le déplacement au Stade de France. J'ose espérer qu'ils ont compris ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire de faire quelque chose de convivial, collectif, participatif et d'aller au-delà des résultats sportifs. Et je pense que c'est pour ça qu'ils nous ont rejoints, tout du moins je l'espère. Et puis c'est vrai que nous, alors même si on n'a pas eu le temps de répondre à tous les mails qu'on a reçus de gens qui voulaient devenir bénévoles, on va le faire bientôt, mais ils ont envie de s'investir et nous on a envie de les faire participer parce que c'est le but. Nous on n'est pas une société commerciale, plus il y a des gens qui participent, qui s'investissent, même un tout petit peu, mieux c'est. Et pour mettre l'ambiance donc au stade de la Beaugeoire et dès dimanche après-midi pour le premier match de la saison de Ligue 1 entre le FC Nantes et Toulouse, match que vous pourrez suivre bien sûr sur France Bleu Loire-Océan. On ne perd pas les bonnes habitudes. Gilles Colliot pour le temps, peut-être des orages cette nuit, mais du beau et du chaud encore demain. Voilà, exactement, hein, ces orages sont prévus en fin de nuit hein, sur la Loire-Atlantique et la Vendée, mais demain, retour du soleil, il faudra quand même en profiter hein, demain parce que la pluie fera son retour vendredi. Alors, les températures pour demain, les mêmes qu'aujourd'hui, hein, 28, 30 degrés au meilleur de l'après-midi. 28 par exemple si vous nous écoutez à Machecoul, à Chaland ou du côté de Montaigu, il fera 29 degrés à Pontchâteau et à Saint-Nazaire. Mais attention, le vent va souffler hein, demain, le vent de nord-ouest. La petite mouette pour vous signaler que la basse mer, ça sera dans 5 petites minutes. Ah bah c'est précis sur France Bleu Loire-Océan. Ça sera à 18h11 très précisément au Pouliga. Pleine mer ce soir, 23h22, avec un coefficient comme le département de 44. La météo 100% locale avec le zoo de la Boissière du Doré, 1100 animaux sur 28 hectares. Plaines africaines, lodges, spectacles d'oiseaux à 30 minutes de Nantes et sur zoo-boissière.com. Et pour ce qui est de la route, Gilles, sans doute du monde à rouler sur le littoral en ce moment. Oui, un retour de plage pour l'axe Pornic-Nantes avec des ralentissements à la hauteur d'Arthon-en-Ré, de Port-Saint-Père et puis une situation chargée aussi sur l'estuaire de la Loire pour passer le pont dans le sens Côte de Jade, Côte d'Amour. Et puis, situation dense aussi sur la presqu'île guérandaise autour de Guérande. Vous êtes aussi nombreux à vouloir quitter l'île de Noirmoutier. Vous pouvez emprunter évidemment le Gois, sans souci. Mais attention, ça coince légèrement à la hauteur de la Guérinière. On arrive sur le périphérique nantais pour vous dire que le périph' est est toujours fermé à la circulation entre la porte de Carquefou et la porte de la Chapelle, avec une situation légèrement dense au pied du pont de Cheviré dans le sens Saint-Herblain. Bougnay. Et on poursuit la soirée avec dans quelques minutes Cathy Carzero. Elle était ce matin devant la criée du Croisic. On a passé une belle matinée avec vous. On écoutera les bons moments dans quelques minutes. Et puis on aura aussi la possibilité de gagner des invitations pour de grands parcs de loisirs. On vous souhaite une très belle soirée. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping and slipping more and more waves. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. But first, my last.

ou bien c'est aussi un grand massif forestier. Mervent est connu pour son zoo, mais aussi pourquoi ? Pour sa forêt ou pour ses marais ? Vous avez la réponse ? 02 40 73 6000. Chaque week-end, avec France Bleu, revivez des souvenirs de concerts inoubliables. Mais c'est le truc de fou ou quoi ? J'en frissonne encore juste d'en reparler. Ce sont nos meilleurs souvenirs de concerts. Waouh ! Racontés par des spectateurs. On ressort un peu comme si on flottait. C'est bon, je peux mourir après ça, quoi. Nos meilleurs souvenirs de concerts sur France Bleu et sur FranceBleu.fr. France Bleu Loire-Océan. sur France Bleu Loire Océan, les Simple Minds. Et on a notre gagnant, c'est Joël qui nous appelle de Basse-Goulaine. Bonsoir Joël. Bonsoir Jules. Soyez le bienvenu sur France Bleu Loire Océan. La journée s'est bien passée Joël ? Très bien, au travail, les vacances sont terminées. Ah, bon. C'était où les vacances cet été ? Ah, c'était à Saint-Raphaël. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Ah oui. Bon. Ah oui. Joël, bronzage partiel À 100%. Ah, bravo, Joël. Oui. Très bien. Bon, eh ben, je vous posais une question il y a quelques instants concernant Mervan. C'est aussi quoi, Mervan ? Un marais ou une forêt ? C'est une forêt, Mervan. Exactement. C'est la plus grande forêt de Vendée, le massif forestier de Mervan. Bravo, Joël. Deux places pour vous. Très bien, bah je vous remercie. Hein, bonne soirée à vous et puis merci à France Bleu Loire Océan. Eh ben super, bon merci été, Joël. C'est super. Eh ben c'est sympa, merci. Voilà, restez-nous fidèles hein, et vous gagnerez vos invitations vous aussi pour ces grands parcs de loisirs. La tournée France Bleu, on y revient. Eh oui, c'était au Croisic ce matin, une matinée sous le soleil devant l'ancienne criée. La caravane hein, s'est arrêtée évidemment pour cette tournée d'été. Cathy Carzero se recevait l'une des figures de la ville. Il s'appelle Simon Lecossec, bientôt 94 ans, ancien patron pêcheur, ambiance. J'étais spécialisé surtout dans la langoustine et l'hiver, la sole et la coquille Saint-Jacques. Simon Lecossec, ça sent la Bretagne ça ? Ah, ça sent le Finistère, oui, ça sent le pays Bigoudin. Oui, oui, bien sûr. J'imagine oui. qu'il y a eu des coups durs, des oui, trucs pas top et tout, oui. Mais allez, on va être sur le côté positif. Vous, votre bonheur ou votre meilleur souvenir quand vous êtes parti en mer, c'était quoi ? Disons que moi, je partais en mer, la fleur au fusil. Toujours content d'aller en mer, bon temps ou mauvais temps, c'était pas le problème. Le problème, c'était pouvoir aller en mer, pêcher du poisson, ramener le poisson à terre, nourrir mon équipage, ma famille, bien sûr, et dans de bonnes conditions, quoi. Et donc, bon, j'ai plein de souvenirs à vous dire. Je passerai ma journée à vous les citer, ouais. Mais enfin, bon, ils sont derrière moi. Ouais. Et aujourd'hui, vous repartez en mer ? Oui, oui. Vous avez un petit bateau ? J'avais un petit bateau, oui. J'ai toujours gardé un petit bateau, et puis je retourne traîner une ligne de temps en temps, et fais affaire de la voile. Je fais beaucoup de voile. C'est d'accord. Surtout ça qui m'intéresse, pêcher. Bon, j'ai fait ça toute ma vie, c'est secondaire, mais être sur l'eau, faire de la voile, pour moi, c'est très important. Est-ce que toute votre vie, vous avez été au moteur aussi ? Donc là, maintenant, moteur, vous êtes à la voile. Moteur, là, ouais. Je suis à la voile, oui, j'ai ouais. changé un petit peu d'épaule, ouais. fusil d'épaule. Et avec une petite ligne, une petite traîne, vous devez oui, prendre oui, des petites choses sympas, vous parce que... Un petit macro, un petit bar, ouais, ouais. Un petit bar, un bar qui fait la maille quand même, parce que... Qui fait la maille, faut traduire ça, Simon, il fait la maille. C'est-à-dire qu'il est dans les normes, quoi. Voilà, il est dans les normes. Non, parce que je vais me faire aligner. Ah bah il n'y a pas le droit, c'est quoi la norme d'ailleurs ? C'est quoi, c'est oh, quoi je ne me rappelle même plus, je crois que c'est 46 ou 47, mais ça fait déjà un beau poisson. Ah c'est hein. un beau bestiau ah, quoi, oui, 47 oui, oui, cm. Avant, hein. Au début, il y a une dizaine d'années, on les faisait à 32, 33, c'était parfait, c'est les meilleurs d'ailleurs, en friture. Mais ça, il n'y a plus le droit. C'est dommage, on n'a plus le droit de les pêcher. Ouais. Après c'est vrai qu'un bon bar grillé, ah, ouais, oui, avec un délicieux. Petit beurre blanc et ah, tout. Bah, voilà, ah, donc, ah, voilà. Vous mettez l'eau à la bouche. Simon Lecossec, hein, 94 ans, ancien patron pêcheur, qui était donc ce matin au micro de Cathy Carzero du côté du Croisic. Nous serons demain du côté de Saint-Sébastien-sur-Loire. On s'arrêtera à la station Nuage. On sera présent à partir de 9h. Voici M. Pokora et on retrouvera quelques grands moments encore dans quelques minutes sur France Bleu Loire Océan. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, si t'es tout ce qu'il me reste, la vie en vaut la peine. Le plus beau cadeau que la vie m'ait fait, évidemment c'est toi, on aura des victoires malgré nos défaites. Je resterai là, et dans tes beaux yeux je vais y semer des millions d'étoiles. N'oublie pas, n'oublie jamais. Tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi. Je t'ai dans le cœur, je t'ai dans la tête. Je te vois partout, tes yeux dans mes yeux et le temps s'arrête. J'en deviens fou, quand j'étais cassé, t'as su me donner un nouveau souffle. J'oublie pas, Non, j'oublie jamais. Je peux pas douter dès que je t'ai vu. J'ai su que t'étais la bonne. Tombée du ciel, j'étais perdu. Mais t'as su changer la donne. Partout où je vais, je sens ta présence. J'entends ta voix qui résonne. J'ai besoin de toi pour exister. Et à tous nos rires d'avant, chaque jour me reviennent comme un flash au réveil. Je sais dorénavant, c'était tout ce qui me reste. La vie en vaut la peine. Juste parce que c'est toi. M. Pokora, restez avec nous, hein, puisque dans un instant, on s'intéressera à la météo, les mots de la météo, avec Chloé Nabédian, hein, qui nous explique ces mots, et on parlera des orages peut-être prévus la nuit prochaine, hein, pour la Loire-Atlantique et la Vendée. Ça sera en fin de nuit, nous précise Météo France. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Loire-Océan, ici, on parle d'ici. Et si vous circulez sur le périphérique nantais, toujours cette situation au ralenti, hein, au pied du pont, dans le sens Saint-Herblain, Porte de Bouguenay, hein, situation chargée ce soir. Et puis, sachez-le, hein, le périphérique est fermé entre la Porte de Carquefou et la Porte de la Chapelle, en chaussée extérieure. Et puis, situation dense pour les retours de plage sur l'axe Pornic-Nantes, hein, vous ralentissez à Arthon-en-Ré et du côté de Saint-Marc-de-Coutet. Et puis, des difficultés aussi autour de Saint-Nazaire, hein, en ce moment même. On vous souhaite une bonne route. L'infotrafic 100% local avec les yaourts Le Petit Vendéen. Du lait de nos éleveurs locaux, un atelier vendéen et une recette médaillée. Le Petit Vendéen, des yaourts au bon goût de Vendée. Dans quelques minutes, on vous donnera des idées pour des sorties ce soir. Et puis, dans quelques minutes, on évoquera les grands rendez-vous de ce matin. Nous étions au Croisic. Ce sera l'occasion pour Amaury et Olivier de se balader sur le côté port du Croisic. On le retrouvera devant un filet, un carrelet très précisément. Ce sera juste après REM sur France Bleu Loire-Océan. Très belle fin de journée. M sur France Bleu Loire-Océan. Retour sur la tournée. Une matinée sous le soleil, on le disait, hein, ce matin au Croisic. C'était la 28e étape, hein, très précisément, de nos tournées d'été. Nous serons demain à Saint-Sébastien-sur-Loire. Nous étions ce matin au Croisic. L'occasion pour Amaury Olivier de se balader du côté du port. L'objectif pour Guillaume et sa famille était de rapporter une petite friture pour l'apéro. Comment ? Eh bien, avec un filet. Qu'on appelle aussi un carrelet. On met un filet avec une armature, avec un plomb, et puis on met ça sur un petit fond d'eau et on attend que le poisson passe devant, en fait, et au moment où il est dans le filet, on remonte le filet et puis on s'amuse à récupérer les petits poissons qui seront destinés à la friture pour l'apéro. Des éperlans, voilà, d'accord. Qui sont en banc généralement pour... et qui sont parfaits pour la friture. Et donc c'est un petit rituel que vous avez tous les ans quand vous venez en vacances au Croisic ? Voilà, c'est ça, en fait on a le filet dans la famille depuis des décennies. Ça c'est un filet qui était à mon grand-père, donc il doit bien avoir 40 ou 50 ans. Et depuis qu'on a la maison au Croisic, tous les ans on s'amuse à venir au moins une fois avec les enfants, parce que ça fait le bonheur de tous. Tout le monde participe, tout le monde a son petit rôle. Et est-ce que tout le monde mange des éperlans frits ? Tout le monde n'en mange pas. Il y en a qui sont plus ou moins, qui ont plus ou moins d'appétence pour le poisson. C'est vrai qu'on voit un petit peu, il y en a qui ne veulent pas parce que ça, c'est trop gros, c'est trop petit, il y a la tête et tout ça. Mais bon, généralement, on trouvera toujours des gourmands pour ça. Bonjour, comment vous vous appelez ? Paula Bastien. Yann, comment on les prépare alors ces éperlans ? Eh bien, on les lave bien et on n'a pas la peine de les vider ni de leur couper la tête non plus. On les passe dans la farine et on les plonge dans un bain d'huile bouillante. D'accord. Et on accompagne ça avec juste un filet de citron ? Un filet de citron, un petit peu de sel, on peut faire une petite sauce tartare, après ça va être un autre sujet je crois. Qui est pour la sauce tartare ? Alors après les petits poissons, on prend vraiment que ce qu'on a besoin, c'est juste pour l'apéro. Ouais. Et c'est une pêche, on va dire, raisonnée comme disait mon petit frère. Ouais. Et voilà. Ah sympa cette petite friture pour l'apéro ce soir. Nous étions donc au Croisic, rendez-vous demain à Saint-Sébastien-sur-Loire. Vous pouvez venir nous voir, hein, vous êtes les bienvenus. On sera à la station Nuage, vous savez, cette grande guinguette qui a été installée sur les bords de Loire. On va donc découvrir évidemment la vie de Saint-Sébastien-sur-Loire. Et puis n'hésitez pas évidemment aussi à chercher notre chat, hein, chat moustache, qui sera caché quelque part à Saint-Sébastien-sur-Loire, des énigmes tout au long de la matinée. Rendez-vous dès 9h. Voici Cock Robin sur France Bleu Loire-Océan, les années 80. Et puis dans quelques minutes, il y aura Robbie Williams. Comment est ta peine? La mienne est Benjamin Biolay à suivre. On s'intéressera aux mots de la météo, on s'intéressera aux orages ce soir. Et puis, côté sortie, on vous parlera du festival des Celtiques de Guérande. C'est parti pour la tournée d'été France Bleu Loire-Océan. Eh oui, cet été, France Bleu Loire-Océan s'installe chez vous, entre Loire-Atlantique et Vendée. 40 destinations, 40 communes, avec des rencontres, des jeux, du soleil, de la bonne humeur, et vous. Venez passer de bons moments avec l'équipe France Bleu Loire-Océan qui fait sa tournée d'été tout l'été. Jusqu'à vendredi prochain, retrouvez la tournée d'été France Bleu Loire-Océan au Moutier-en-Ré, à Brême-sur-Mer, Le Croisic, Saint-Sébastien-sur-Loire, Fromentine, La Bardemont. France Bleu Loire-Océan. Vous passez une belle soirée et on vous accompagne avec tout de suite le tube de l'été de Dua Lipa. Voici Dance the Night. Sur France Bleu Loire-Océan, elle avait passé son été précédent avec Elton John et là, elle revient en solo. Tiens, si vous voulez sortir ce week-end, ne manquez pas le Festival des Celtiques de Guérande. Ça va commencer vendredi, ça se poursuivra samedi, dimanche, avec des bagades qui envahiront les rues de la cité fortifiée. Rendez-vous donc à partir de vendredi. Et puis, le Cercle Nautique de Piriac organise un après-midi festif dimanche, ça sera à partir de midi. Il s'agit en fait d'un rallye nautique dans la baie de Piriac. C'est ouvert à tous les voiliers. Il y aura un repas des équipages avec grillade et chants de marins. Ça peut être très sympa pour clôturer cette journée. Dimanche donc, rendez-vous à Piriac. Et pour plus d'informations pour ce rallye nautique, eh bien vous renseignez au Cercle Nautique. Allez, dans quelques minutes, les mots de la météo. Chloé Namédia nous expliquera un petit peu le fonctionnement des orages. On en parlera dans quelques minutes, juste après Robbie Williams. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate.